Toujours à la même occasion, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes médecins 2017, le conseil des habitants du département de Nagano du Japon pour la réunification indépendante et pacifique de Corée, l'association d'amitié nippo-coréenne du département de Miyagi, l'association pour les échanges des sciences et enseignements nippo-coréens, le lycée Yuen de Jilin de Chine, le président de l'association d'amitié Nigeria-Corée, le sénateur nigérien Abdullahou Adamou, le sous-préfet de l'arrondissement de Kunta Diabasé de la province de Malanje, Angola, le directeur du lycée Yuen de Jilin, Chine, la famille de Kim Tseul, martyr révolutionnaire anti-japonais en Chine, Chung Yul-sim, femme d'An Dong-soo, héros de la République, ont fait parvenir le 16 décembre les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu.